suis la fille qui fait ma robe de métalfée. Oui, c'est elle qui fait à chaque mouvement que je fais. Quand tu l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus ma petite robe en alu. Dans ma robe d'argent, je sens comme un courant électrique de 200, 20 volts qui descend le long de ma colonne vertébrale. C'est comme si j'emmenais un homme de Gomorrah à Sodome. Je suis la fille qui fait ma robe de métal fait. Oui, c'est elle qui fait à chaque mouvement que je fais. Quand tu ne l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus, c'est que je serai nue. Qui fait ma robe de métal fait. Oui, c'est elle qui fait à chaque mouvement que je fais. Quand tu ne l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus, c'est que je serai nue.